questions, de période de réponse une autre fois. Là, je me suis mis de l'eau, je t'en ai pas mis parce que je voulais pas m'associer à ton karma. Et si tu savais ce que tu perds. Comment savoir s'il y a du karma à payer ou s'il n'y a plus de karma? Juste avant, oui. Avec la question que je viens de poser, pas celle-là, l'autre avant, il y aura, il y aura toujours, il y a encore, des associations qui sont énergétiques et qui ne sont pas karmiques. Il y a plusieurs choses que vous devez, qu'on doit comprendre. C'est pourquoi c'est important de bien se saisir. Comme tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'on ne doit plus aider personne. J'ai dit qu'on ne doit pas payer le prix de les aider. Une nuance. Alors, je peux aider quelqu'un sans payer le prix. Alors, si l'humain est effectivement, l'humain n'a pas de libre arbitre, l'humain est manipulé. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si l'humain n'a pas accès à un savoir instantané, à une conscience supramentale, à son esprit réel, mais pas à la coloration d'esprit, donc à quelque chose qui n'est pas spirituel, mais qui était spirituel, si l'humain n'a pas accès à ces choses-là, parce que l'humain est manipulé, nécessairement dans la manipulation, on le manipulera toujours à lui faire penser qu'il n'est pas manipulé, à lui faire penser qu'il a un libre-arbitre, etc. Il y a des associations qui sont totalement collectives. Je peux aider un individu, je peux m'associer à son plan de vie, ce que je ne dois pas faire. Je peux, en m'associant à son plan de vie, on va dire, c'est donc inintelligent. Cela veut dire que ce que le christianisme a amené, entre autres, et d'autres formes de religion où on doit tous s'entraider les uns les autres, ce n'est pas intelligent. C'est extrêmement intelligent. Ça a permis d'aplanir les karmas durs de certains peuples qui étaient toujours en guerre et de rendre plus belligérants les peuples extrêmement pacifiques. Et ça a créé un équilibre entre les deux. Les peuples qui se faisaient toujours massacrer ont été capables maintenant de résister. Et les peuples qui étaient extrêmement guerriers le sont devenus moins. Cela a fait qu'on avait autant de possibilités de gagner que de perdre. Et progressivement, cela vient homogénéiser toute l'évolution des différentes humanités, quelle que soit la race cutanée. Il vient un temps, par contre, où tout ce qui est yavik, donc blanc, positif, devient satanique lorsque l'humain arrive au niveau maximum qu'une technique peut l'amener. Et là, on retouche encore des karmas. On peut s'associer énergétiquement si c'est dans la conscience qu'on s'associe. Mais dans la conscience, on ne s'associe jamais volontairement. Alors que dans l'astral, on pense toujours qu'on s'associe volontairement. Moi, je ne vais pas m'associer avec un tel ou une telle. Pourquoi? Ben, je ne l'aime pas. Je trouve niaiseux. Alors je dis, oui, mais même si tu la trouves niaiseuse, la personne, associe-toi avec. Et la personne va répondre, voyons donc, je ne suis pas un imbécile. Il a l'impression d'avoir un libre-arbitre. Alors qu'en réalité, il la voit stupide parce que c'est la seule façon, dans sa conscience, qu'on peut le forcer à penser qu'il ne s'associe pas parce qu'il la voit stupide. Mais a-t-il décidé de la voir stupide? Non. Alors qu'une autre personne va dire, ben voyons donc, elle est brillante. Je prends un exemple. Vous rencontrez une personne et vous dites, crime, moi je ne me marierai jamais avec une personne comme ça, ben trop laide. Alors, pourtant, elle est mariée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans votre conscience, on vous l'a fait voir laide pour que vous puissiez supporter l'idée que vous décidez de ne jamais vous marier avec elle parce qu'elle est laide. Alors que dans la conscience de l'autre, on l'a fait voir belle pour qu'elle puisse supporter l'idée qu'elle se marie avec. Alors, elle va dire, ben oui, je l'ai même mariée avec, elle est belle. En plus, elle est ceci, elle est cela, elle est cela. Et un autre va dire, voyons, non, t'as quand même mal, elle est ceci, cela, cela. Des points de vue. Ce ne sont que des points de vue. Et parce qu'on se fie à ces points de vue astrales-là, on est toujours dans la confrontation entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc. Alors, s'associer énergétiquement, ça se fait. On peut aider quelqu'un sans payer le prix de son aide. Cela veut dire qu'on accomplit un phénomène, une mécanique. Mais on ne doit pas, par la suite, s'en énergiser. On doit s'en énergifier. Exemple, vous sauvez quelqu'un et vous ne le parlez à personne. Vous ne le racontez pas, mais vous ne le parlez même pas. Fermez votre boîte. Fermez-la. Et là, ce qui va arriver, c'est que ça va vous démanger. C'est sûr. L'énergie est en train de vous restructurer. Mais cette énergie-là, elle fait peur à l'ego. Elle fait peur à tout ce qui est archétypal, à tout ce qui est réincarnatif. Comme l'humain aujourd'hui est approximativement constitué de 30 millions de personnalités réincarnatives en même temps chez lui, et que ces personnalités se retrouvent souvent chez plusieurs individus, bien nécessairement, à l'intérieur de cela, on a de l'énergie qui, elle, va transformer le système neuronique et le système endocrinien, entre autres, pour que vous soyez un jour capable d'être en contact avec votre intelligence, qui, elle, est individuelle dans ce qu'elle s'exprime. Alors, nécessairement, il y aura un feu, un besoin de partager, un besoin de communiquer. Alors, on partageait nos problèmes, on associe les autres à notre karma, on partageait nos réussites, on associe les autres à notre karma. Vous voulez écouter quelqu'un, vous vous associez à lui. Alors, on peut dire une chose. Tu viens te plaindre à moi que tu as gagné à la loterie ou que tu as perdu à la bourse. C'est une plainte, positive ou négative. Moi, je te charge 1 000 $ par plainte. Alors, il y a déjà un échange. C'est-à-dire que je lui prends une partie, de ce qu'il veut me donner, ça va s'en aller là où il a donné en argent. Il y aura un échange d'énergie. Je m'assujettis à peu près pas à son karma. Je ne me plaindrai pas souvent. Tant mieux. Ça m'arrange. En même temps, il y a plusieurs façons de parvenir à... On parlera d'échange d'énergie. Si je le prends 1 000 $ et qu'il se plaint pour 900 $, je lui dois 100 $. Je ne lui donne pas. Je suis maintenant endetté. Je suis assujetti à son karma. Je collecte 1 000 $, il se plaint pour 1 100 $, je ne lui demande pas la balance, je me vole moi-même, je suis encore assujetti à son karma. Mais je reviens encore à une chose, c'est que vous avez... Parce que l'humain croit avoir un libre-arbitre, l'humain se le fait garantir par la culpabilité. Alors à un moment donné, vous allez vous poser la question, bon ben là, est-ce que je l'aide ou je l'aide pas? Faites quelque chose. Oui, mais si je me suis trompé, de toute façon, ce que tu vas faire sera manipulé. Par ta conscience ou par la conscience astrale. Alors, pendant que tu es bloqué à te demander, tu es manipulé de toute façon. Une chose certaine, c'est celui qui ne se décide pas est nécessairement manipulé par des forces qui sont oblitérantes. C'est des forces astrales. Et si quelqu'un vient te voir et te demande des conseils, ben, je ne prends pas ton exemple. Ah oui, pourquoi pas. Quelqu'un vient te voir et te demande des conseils sur qu'est-ce que je dois faire dans telle situation. On ne conseille jamais personne. C'est ça. Faut-tu Parce que s'il les applique mal, vos conseils, c'est de votre faute. S'il les applique bien et vous aviez tort, c'est de votre faute. De toute façon, vous allez payer le prix. Puis lui, il n'aura pas appris ce qu'il avait à apprendre. Nécessairement, si c'est toi qui amène la solution. Mais c'est surtout même pas là l'idée. C'est que toi, tu t'associes. Laisse faire l'autre un peu. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de cesser de lui nuire. Alors, cessons de toujours chercher à vouloir les aider parce qu'on ne comprend jamais leur mécanique de vie. Déjà qu'on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes, alors je ne vois vraiment pas pourquoi on se prétend spécialiste pour aider autrui. Par contre, ce que l'on va faire, c'est que ça se peut que l'intelligence qui ne passe pas par sa tête, pour l'aider, passe par la mienne et c'est pourquoi elle vient de me voir. Ça va. Tu me dis, par exemple, est-ce que je devrais vendre mon automobile? Pose-moi la question. Est-ce que je devrais vendre mon automobile? Alors, moi, je regarde par la fenêtre de ma maison puis je me dis... C'est un bon temps pour vendre des autos. Puis regarde que la majorité des personnes un peu faibles vont dire, ouais, c'est un bon temps peut-être, mais moi, je veux savoir si moi, je devrais la vendre. Là, moi, j'y réponds, je donne jamais de conseils. Je finis là. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, il n'a pas à s'associer à ce que j'ai dit. Je l'ai dit. J'ai répondu. C'est un bon temps à vendre des automobiles. J'ai répondu. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est parce qu'on n'a rien Non, je donne pas de conseils, c'est fini là. La personne s'en va, ouais, mais il a dit telle affaire, puis il dit, reste pris la même chose, tu ne l'auras pas aidé, si tu n'as pas l'aider, il n'y a pas de problème. Mais s'il va vous donner des conseils, ben, à un moment donné, il va vendre son automobile, après ça, il va le regretter, il va avoir ci, il va avoir ça, c'est toujours dangereux. Est-ce que c'est pour ça que le Nazaréen parlait par parabole? C'est une grosse raison. Premièrement, tout à l'heure, j'expliquais que chaque fois qu'on amène de la conscience, ça crée de l'enfer autour. En parlant par parabole, il y a un avantage, c'est que seuls ceux qui sont capables de la supporter comprennent, donc les autres n'en souffrent pas trop. Mais nécessairement, ceux qui supportent par rayonnement changent un peu les autres, bon, c'est moins pire. Ça permettait aux Nazaréens de faire en sorte que les individus ne comprennent que ce qu'ils avaient à comprendre. Donc, pour certains, ils comptaient des histoires, pour d'autres, donnaient des conseils, pour d'autres, faisaient ceci, pour d'autres, faisaient cela. Tu sais, quelqu'un va dire karmiquement, il a même guéri des gens. Mais moi, je connais très, très bien l'histoire des Nazaréens, plus que plusieurs personnes. Et je sais aussi que dans le phénomène karmique, dans l'association archangélique, plusieurs personnes avaient été mis malades uniquement pour être guéries par le Nazaréen. Il n'a pas guéri ceux qui devaient rester malades. La preuve, il n'a pas guéri tous les malades de la Palestine de l'époque. Il n'a pas guéri les malades de la Judée. Il n'a pas guéri tous les malades. En plus, on lui amenait les malades. Pourquoi il ne guérissait pas? Tu sais, là, je sais, il est malade. Demain matin, il n'est plus un malade. Les gens m'ont dit, crime, t'es malade. Ben, on va parler de ça. Mais le lendemain matin, il n'est plus un malade. Imaginez-vous le miracle! C'est même pas un rentre complet. C'est même pas un miracle. Sauf que pourquoi il ne le faisait pas? Parce qu'il n'avait pas guéri tout le monde. Il disait à certains, as-tu la foi? Voyons donc, même, il avait même un contrat. Mais oui. Parce qu'il y avait une association énergétique qui devait s'opérer. Puis il y a plusieurs de ces guéris-là qui sont devenus malades après. Parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter le contact. Une fois que le Nazaréen est parti. Plusieurs choses que l'humain ne sait pas. Mais on peut aider, on ne doit pas payer le prix. Donc en réalité, on n'aide plus. Je ne vous ai pas aidé. Sinon, je serai associé karmiquement. J'ai parlé. Quand même pas de ma faute, les gens écoutent. Mais on va dire que c'est un jeu de mots. Non, c'est un jeu de mots si je joue aux mots. Mais ce n'est pas un jeu de mots si c'est évident pour moi, si c'est clair. Alors, quelqu'un qui vient me dire, « Ah, M. Kim, ce que vous avez dit là, ça m'a bien, bien aidé. » Tout ce que je trouve à y dire, c'est parce que vous avez des bonnes oreilles. Parce que ce que je lui dis, c'est de la salade. Ça dépend réellement de qui l'entend. Donc, je n'ai vraiment rien à faire là-dedans. Et c'est un vrai, c'est un fait. Je suis payé pour faire une conférence. J'apprends en faisant une conférence. J'ai mon lot. Je n'ai pas besoin d'aider personne. Et ça donne avantage, c'est qu'il n'y a personne qui me doit quelque chose. Mais il y a certains individus qui ont de la difficulté à ne pas me devoir, donc qui, de temps en temps, veulent me faire de moi un maître ou des choses comme ça, ce que je ne suis pas, parce qu'ils ne sont pas capables de se prendre en main. Et ça va venir, parce que pour se désassujettir des karmas, il faut être capable d'être individuel, donc de se prendre en main. Je suis un orateur, c'est une chose. Et les personnes écoutent, c'est une autre chose. Ça, c'est correct. Quand un oiseau chante dans la forêt, vous trouvez ça beau. Est-ce qu'il est endetté karmiquement avec vous? Non, il ne chantait pas pour vous, il ne chantait pas du tout. Et ce n'est pas un jeu de mots. C'est comme ça. Mais dressez-le à chanter pour vous, mais à un moment donné, vous allez devoir le nourrir. Vous allez devoir l'entretenir. Vous allez devoir vous inquiéter s'il est malade. Et lui, en contrepartie, devra chanter quand vous allez vouloir, même quand ça ne tente pas. Mais tant qu'il est libre, on peut en bénéficier autant. Puis il n'y a pas de karma. C'est une association par l'événement. Elle est énergétique, l'association. Elle n'est pas émotive, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas astrale. Question. Comment savoir s'il y a du karma à payer ou s'il n'y a plus de karma? Est-ce que c'est en se conscientisant que les karmas sont annulés? Normalement, en se conscientisant, on a plus de karma à supporter. Je ne dis pas payer, parce qu'en réalité, on ne les paye pas. Tu sais, tu le payes, il ne revient plus. C'est faux. Ça revient d'une autre façon. On les supporte. On ne les paye pas. Ça ne s'en va jamais. Pourquoi l'humain a toujours les mêmes problèmes depuis des millions d'années? Parce que c'est une roue qui tourne. Bon, le Nazaréen est passé, Bouddha est passé, d'autres sont passés, ça n'a rien changé. Non, on supporte un karma. On ne le paye pas. Il y a des guerres, il y a des paix, il y a des guerres, il y a des paix. On a tout compris. Ben oui, la génération qui se réincarne, nous autres, ben, à un moment donné, ils sont obligés de supporter la contrepartie. Parce qu'il y a eu deux grandes guerres. Il y a eu la guerre de Corée. Parce qu'il y a eu les explosions nucléaires à Hiroshima. Parce qu'il y a eu le Vietnam. Il y en a eu des guerres. Ben, il y a eu moins de guerres entre les peuples qui évoluent les plus rapidement. Et je ne parle pas de la race. Une personne peut être un Vietnamien et évoluer très rapidement alors que le peuple n'évoluait pas rapidement. OK? Ce n'est pas parce qu'au Vietnam, il y a eu une guerre que tous les Vietnamiens sont barrés. OK? On ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est du sectarisme d'animal humain. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, on a des... Il y a des guerres régulièrement. Il y en a toujours eu dernièrement. Le Vietnam s'est tombé. Ben, alors, on a commencé en Afghanistan. On l'a vu, les similitudes. On a les Russes qui descendent d'un avion civil. Dernièrement, les Américains ont descendu d'un avion civil au-dessus de la mer de Méditerranée, je crois. Bon. On a les Américains qui se battent au Vietnam, qui se font casser la gueule. On a les Russes qui doivent rentrer en Afghanistan, se casser la gueule aussi. Bon. Il y a des similitudes pour créer de l'équilibre. Mais ça reste toujours le bien et le mal, parce que l'harmonie, ce n'est même pas ce que l'humain doit rechercher pour éliminer les karmas. L'harmonie, c'est quoi? C'est que dans la création, il y a uniquement de la guerre. Alors, il y a des explosions solaires, il y a des explosions stellaires, il y a des explosions de galaxies, c'est une vraie folie. Puis à un moment donné, il y a un équilibre qui s'installe. Ça meurt autant que ça naît. On appelle cela la paix et l'harmonie. Dans une forêt est écologiquement en harmonie lorsqu'il y a autant de chevreuils puis de loups. Alors, les loups tuent les chevreuils. Quand il n'y a plus assez de chevreuils, les loups meurent de faim. Les chevreuils n'ont plus de loups. Alors, les chevreuils commencent à pulluler. Les loups ont plus de nourriture. Partent. Ça, c'est de l'harmonie. Mais si vous êtes le chevreuil ou le loup, vous trouvez ça stupide en maudit. Mais c'est ça, l'humain est dans un système harmonieux. De yin et de yang, c'est parfait. On ne doit pas le briser, c'est vrai. Alors vous avez à souffrir, souffrez. Vous avez à être heureux, soyez heureux. Mais ça, c'est tant qu'on exclut l'intelligence. Puis l'intelligence, ce n'est pas uniquement une question de raisonnement par l'intellect. Par exemple, je vois comme intelligent d'aller sortir la personne de l'incendie, puis en même temps, bien, je vois émotivement que je devrais y aller. Et là, on vient d'émotiviser l'intelligence. Je peux me faire avoir. Comme je le dis souvent, on a des médecins avec qui j'ai travaillé, qui intervenaient dans des situations d'urgence, ça allait bien. Jusqu'au jour où ils interviennent sur quelqu'un de famille, ils ne sont plus capables de rien faire. Ils devraient être aussi robotiques. Ils devraient prendre leur mémoire d'intervention, faire la même chose, être des chirurgiens, des charcutiers, être ce que tu voudras. Ils sont plus capables. Alors on doit les mettre au rencard, faire amener un autre qui ne connaît pas personne, ça fonctionne. Si l'humain était capable de faire une dissociation de son émotivité, en réalité, si l'humain était capable d'aimer par sentiment, par contact énergétique, là, c'est pas le temps que tu l'aimes, c'est le temps que tu la sauves. Bien simple, sauve-la. Quand tu es sauvé, maintenant, aime-la. C'est facile. Mais l'humain, tu pognes, il l'aime, puis il ne peut plus l'aider. Fini. Alors, on ne doit pas. Comme les parents qui battent leurs enfants, ils les aiment. Souvent. Bon, c'est jamais le temps d'eux. On a des manipulations, il y a des mécaniques karmiques. Alors, quand on parle, l'humain qui se conscientise normalement, disons que vous avez à supporter pour encore 40 ans de karma. Après ça, normalement, vous mourrez. Un exemple. La personne qui se conscientise a des chances de vivre 45 ans, 50 ans. Pour cela, elle doit éliminer des phénomènes karmiques qui peuvent détruire son corps physique ou elle doit les supporter avant que le corps soit trop dégradé. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que les 40 ans de karma qu'elle aura à vivre, elle va les vivre en 20 ans. Donc, se conscientisant, elle a plus de karma. Et ça crée les MTS, les martyrs de la transition supramentale à un moment donné. C'est pas nécessaire que tout le monde passe là. Plus il y en a qui vont là-dedans, plus c'est facile pour les autres. Mais l'individu voit souvent dans son évolution, si l'évolution spirituelle, on va lui donner l'illusion que ça s'améliore au départ, puis après, normalement, il y a la désillusion, ça s'écrase. Si l'évolution est dans l'intelligence, donc par la conscience, elle est nécessairement individuelle, on peut être 25 000 assis dans la même salle. Puis quand il y en a un qui dit « Hey, on devrait aller tuer les Chinois », les 25 000 se lèvent et sortent, c'était 25 000 individus. C'est simple. S'il y en a 24 000 qui disent « Oui », puis 9 000 qui se lèvent sans crier, sont tous répartis partout, pas une gang là. Il y en a un à travers les 1000 qui sont là, à travers les 24 000, il y en a un comme ça crée 1000 personnes, qu'eux autres, ben là, tout est parfait, mais ça, non. Ce sont des individus. Alors, on peut être 25 000 individus, ça, on peut créer là-dessus, avec ça, on peut créer des sociétés qui ne se détruiront jamais. Il n'y a pas de collectivisme. L'intelligence d'un individu est inversement proportionnelle à la quantité d'individus dans lequel il se trouve. Sauf si réellement, c'est un être individuel. Alors là, on peut être 25 000 individus, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est intelligent reste intelligent, une connerie se reste con, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas parce qu'on demande à l'autre. Immédiatement, ça ne vaut plus. Le karma, on n'en a plus rendu là. Mais pour parvenir là, ce qui va arriver souvent, c'est que l'individu va ramasser plus de karma. Alors, plus il se conscientise, plus le monde semble laid. Plus ça semble débile, plus ça semble con. Premièrement, il voit plus clair. Puis deuxièmement, ben, il s'est renforcé un peu. Pourquoi? Pour l'obliger, pour le récupérer, pour l'obliger à penser que le chemin qu'il a pris n'est pas le bon chemin. Parce que plus tu es solide, plus tu en as en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu de le payer, comme tu disais tantôt, sur 40 ans à 20 ans, tu vas, au début, sur 10, tu vas, sur 5, sur ça 2. Va être 10, 5, 2, etc. Là, ça se rapproche, ça se comprime. Puis... Oui. Pour, premièrement, vous forcer à comprendre que vous faites mal, ce n'est pas correct. Puis continuez. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça finit par s'améliorer. Sauf que l'humain doit travailler dans ce qui fait partie de sa vision d'intelligence. Et l'humain se dit tout le temps, oui, mais tout d'un coup, je me trompe. Trompez-vous. C'est bien mieux que de passer sa vie à se tromper en pensant qu'on ne se trompe pas. Celui qui fait des croisades au nom du Christ, il s'en va tuer du monde de bord. Puis l'autre bord, eux autres, au nom de Mahomet, ils s'en vont tuer. Bon, ben, ils font le bien tous les deux. Puis ils font le mal tous les deux. Puis à un moment donné, plus tard, ils vont découvrir. Je regardais un documentaire aujourd'hui où on avait les conflits entre la France et le Vietnam avant que les Américains viennent s'installer. Ça s'entretue, c'est une vraie farce. Et là, on parle des héros. À un moment donné, il montait un gros canon en haut d'une côte, puis finalement, la corde a cassé, fait qu'un soldat qui s'est jeté en avant de la roue pour que le canon l'écrase pour pas qu'il descende la côte. Il est mort là, évidemment. C'est un héros, il a fait une stèle pour lui. Il y en a un autre, à un moment donné, il y avait une mitrailleuse lourde française qui tirait à travers une meurtrière. Et puis, les grenades, les Vietnamiens n'arrivaient pas à les rentrer dedans. Ben, finalement, il y a un Vietnamien qui s'est garoché carrément devant la meurtrière. Fait que, tant que la mitraillette a déchiqueté assez, là, ça a permis aux autres Vietnamiens de passer. C'est un héros. Puis là, on voit la haine pendant les combats, puis les ci, puis les ça. Puis on parle de 25 000 morts, à un moment donné, sur un seul plateau. Puis là, aujourd'hui, quand on interviewe les gens, on interviewe les Vietnamiens qui étaient là, puis les Français qui étaient là. Ils sont tous amis maintenant, plus de problème. Rends-tu compte comment c'est ça? Ben, les deux faisaient le bien. Aujourd'hui, les deux se disent, moi, on dit que c'était con. Les deux faisaient le mal. Alors, c'est pourquoi, quand on parle karma, il faut qu'on, à un moment donné, pour comprendre la mécanique, il faut qu'on sorte de la vision spirituelle. On n'a pas raison. Ni le bien, ni le mal. On doit faire quelque chose. Et si on se dit, oui, mais je peux me tromper. De toute façon, l'humain ne sait pas ce qu'il fait. Nécessairement, il se trompera pas mal souvent. Jusqu'au jour où, à un moment donné, par intuition, simplement, facilement, l'évolution, là, c'est très facile. C'est jamais méritoire. C'est jamais souffrant. Quand c'est souffrant, c'est parce qu'on évolue dans le plan de vie d'un autre. En réalité, dans le plan de vie de la collectivité. Alors, ça ne peut pas être convenable. On n'est jamais dans notre trou. On n'est jamais à la bonne place. L'humain va finir par purger plus de karma, donc supporter rapidement du karma, ce qui va accentuer l'écœurement de l'écœurement, c'est-à-dire que ça va accentuer la pression sur le mental qui va forcer le contact avec le plan supramental, l'intelligence. Et quand il va voir suffisamment, il va commencer à appliquer des mécaniques de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, des mécaniques qui vont le désassujettir des lois PCL, donc des lois reliées à l'ère du poisson, des lois qui sont reliées à ce que l'humanité a connu depuis le début des temps. En l'occurrence, toujours souffrir. Si j'ai payé en énergie pour les autres, est-ce que j'ai automatiquement éliminé du karma? Comme je vous dis, on n'élimine pas du karma. On transpose le noir en blanc pour, à un moment donné, bénéficier du blanc. Quand vous aurez bénéficié du blanc, eh bien, vous l'aurez transposé en noir. Pour être sûr de jamais avoir de karma noir, il ne faut jamais que vous ayez de karma blanc. C'est simple. Alors, ça veut dire, comme tout à l'heure, j'expliquais, oui, mais là, tout va bien, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pique-toi des aiguilles, souffre! Pourquoi? Ben un jour, si tu bénéficies du bien, tu le démolis. Tu le transposes en noir. Si tu souffres tout de suite, il va rester là tout le temps. Mais jamais tu pourras le tuer. C'est la roue. Les Tibétains en ont même une peur affreuse. Même Bouddha le disait, tu sais, tout est une roue. Tu viens au monde, tu meurs, tu viens au monde, tu meurs, tu viens au monde, tu meurs, tu viens au monde, tu meurs. L'intervention de l'intelligence change tout cela. Sauf que dans la mécanique astrale planétaire, c'est ce qui se passe. Alors, on ne peut pas se libérer du karma. Ce n'est pas en faisant le bien que vous allez éliminer le noir. Par contre, en faisant le bien, un avantage, c'est que vous améliorez l'onde de forme, le visuel de la société. Mais on doit être capable de trouver une mécanique pour faire le bien, donc aider, en réalité, écologiquement intelligent, et intelligemment uniquement, parce que c'est comme ça. Hein, l'exemple que je donnais avec une ambulance, je travaillais comme ambulancier, à un moment donné, on a arrêté sur la rue... Dorchester à l'époque, pour ramasser un pigeon qui était blessé dans la rue. Bon, on a coupé le trafic, on a allumé les gyrophares, on a couru après le pigeon, on l'a amené à l'hôpital, à l'urgence de Saint-Luc, pour demander au gardien d'appeler la SPCA. Bon. Mais c'est pas parce que ça nous touchait, c'est parce que c'était intelligent de ramasser le pigeon. Bon, mais peut-être qu'ils vont le tuer, SPCA, ça les regarde. Ça ne regarde plus. Sinon, on n'arrive jamais à s'en sortir. Non, tu fais ce qu'il y a à faire. On rentrait à des places, on réussissait à réanimer quelqu'un, puis quand on sortait, on était heureux. Quand il était mort, ben on sortait, on allait manger, faisait encore soleil, il pleuvait encore, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de se gaver de quelque chose qui ne nous énergifie pas. Mais tu accomplis, mais tu ne payes pas le prix. C'est se détacher du résultat aussi, par rapport aux événements. De pas s'en foutre, mais être détaché. C'est le temps. Je sais que mon père va me laisser un héritage. Tous les mois, je lui rends un service. Il veut me payer. Je lui dis de garder son argent parce qu'un jour, l'héritage qu'il me laissera sera la paye pour service rendu. Est-ce que cet héritage m'apportera un karma? C'est premièrement évident pour deux raisons. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est que la personne, elle est belle, mais elle peut payer le prix. Et c'est ça qui, à un moment donné, devient un peu comme con. Parce que, esthétiquement, j'aime cette personne. Elle ne profite pas, puis comme le parent va de toute façon illéguer ça, c'est même pas genre tu meurs, là. Mais ça sert à rien que tu me payes présentement. De toute façon, quand tu vas t'en aller, tu vas me laisser. Fait que moi, je m'autant... Déjà là, elle diminue son poids karmique pour quand elle va recevoir, c'est une chose. Mais où elle peut se faire ramasser, c'est ça que je dis souvent que c'est dommage, pour ça qu'il faut qu'on comprenne la mécanique, c'est que si elle ne rend pas assez service par rapport à l'héritage, elle va payer pour. Si elle rend trop service par rapport à l'héritage, elle va payer pour. Comment le savoir? La meilleure chose, c'est qu'elle devrait accepter un salaire immédiatement, puis refuser l'héritage après. Que ce soit balancé en énergie par rapport à... Mais ne changez pas radicalement, je vous donne des idées. Bon, on doit comprendre des choses, c'est à vous d'ajuster. Après ça, vous sortez pas, bon, ben là, crime, je vais recevoir 20 000 piastres, là, puis là, et là, je devais vouloir faire ceci, faire cela, fait que là, M. Kemp pas dit que, puis là, il fait plus. Sors de la feuille, puis à 3 ans, j'ai passé à tondeuse, à 10. Ah, 2 piastres, 3,50 $. Puis là, elle arrive à 12 000 piastres. En se passant, on recommence. J'augmente mon salaire à la tondeuse, j'augmente, tu sais. Elle arrive aux 20 000 au moins. La conférence, je réexplique encore une fois qu'on vient chercher de l'énergie, on vient chercher des nouvelles choses, on a de nouvelles visions de certaines choses. Quand on vient pour la première, deux, trois ou quatrième fois, on n'a pas la vision de toutes les choses, c'est évident. C'est comme si on en discute. On doit être capable de parler pour parler. Après ça, vous continuez à vivre ce que vous avez à vivre, puis énergétiquement, au niveau de l'information, des choses qui vont changer des choses. On n'en fait pas un stress de plus. Et l'évolution, ça doit être facile. Mais là, avec tout ce que je fais maintenant, c'est plus facile. C'est le karma noir. Si je vole dans les magasins, là, c'est pas correct. Mais là, ça fait 2 ans, je mange plus, là, puis j'ai plus rien à mettre sur le dos, là, pas pour voler. Écoute bien, tu sais, moi personnellement, si j'ai du monde à nourrir, je vais aller voler. C'est pas correct, non, je sais bien, mais laisser mourir, c'est encore pire. Tout. Je me casserai pas la tête, mais je sais que ça serait intelligent, je n'allais pas voler. Alors, je suis entièrement d'accord. Ben, qui se démerde. Parce que l'intelligence se démerde. Qui saute un parachute avec un panier de provisions. Oui. Par contre, l'idée de dire, ben moi, là, je vole les grands magasins, mais ils nous volent assez. Non. Là, on se fait ramasser en maudit par les culottes. Parce que là, on se donne une raison émotive de s'autoriser n'importe quoi. Moi, je peux aller les tuer, les Indiens, parce qu'ils nous ont assez tués. Ouais, c'est ça. C'est pas s'amuser en masse. Abandonnez, comprenez la mécanique. Vous êtes mal pris, faites-le. Oui, mais c'est pas correct, sachez-le. Mais faites-le. En 2 mots, on prend le moindre. Et puis, progressivement, quand vous n'aurez plus besoin de le faire, vous n'aurez pas une raison astrale qui va vous faire continuer de le faire. Alors, ça va être correct. Ça fait plusieurs années que les douleurs physiques m'empêchent de bouger mon corps convenablement. J'ai essayé toutes sortes de thérapies sans grand résultat. Est-ce un karma ou autre chose? Premièrement, c'est évident que c'est un karma. Tout ce que vous avez est un karma. Vous êtes un karma ambulant. Bon. Encourageant. Oui, mais est-ce que tu as le corps physique que tu as toujours rêvé d'avoir? Non. Bon, en partant, tu as déjà un bon karma. Toute ta vie, est-ce que c'est la vie rêvée? Non. Bon, c'est ça. Puis en plus, on t'autorise à rêver une vie que t'as pas. T'sais, c'est pas du karma. Bon. J'ai supposé de marier une grande blonde américaine. Puis t'es marié une Québécoise. Ouais, dis-le pas toujours, là. Peut-être qu'elle va m'entendre. Puis en plus, la voisine. Ah ben là. Les douleurs physiques, c'est évident que c'est du karma. En partant, c'est réglé. Maintenant, comment qu'on règle ça? Il y a plusieurs choses. Ça dépend du point de vue évolutif de l'individu. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont tellement d'intuition ou tellement d'énergie, de choses, qu'ils veulent les traverser, puis ils s'en empêchent tellement, ils sont tellement inhibés, ils n'ont pas de gestion intelligente suffisamment pour les désinhiber, qu'ils vont se créer plein de problèmes physiques. C'est psychosomatique. 99% des maladies sont psychosomatiques, de toute façon. D'autres personnes ont simplement à payer, à supporter, en réalité, le karma familial. Bon, dans les génétiques de la famille, il y a ceci, cela, cela. Ça fait 2 générations qu'ils ne l'ont pas, mais avant, ils l'avaient tout. Puis là, elle a tout ramassé d'un coup. Il y a plusieurs choses. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'évolution n'est pas déterminée par votre beauté physique. Elle n'est pas déterminée par votre richesse. Elle n'est pas déterminée par votre santé. Dernièrement, à Québec, je posais une question, d'ailleurs la semaine dernière, est-ce qu'un être humain qui est malade est un être humain bien évolué? En majorité, on me disait, ben non. Alors que ça n'a rien à voir. Imaginez, c'est ça le gros problème. Parce que là, ce qu'on va se dire, c'est préférable qu'il soit en santé. Mais là, ce qu'on va se dire, c'est qu'à un moment donné, si vous commencez à être malade, le corps physique, alors là, vous allez perdre énormément de temps à vouloir améliorer le corps physique. Alors que vous devriez améliorer votre conscience. Il n'y a pas une conscience suffisamment parfaite qui reste dans un corps physique malade. Elle s'occupera du corps physique. Mais on ne doit pas, nous, s'occuper du corps physique. C'est évident qu'on doit s'arranger pour l'entretenir. C'est ça de manger des cochonneries, soyons écologistes. Mais en étant écologiste, c'est la conscience qu'on travaille, pas le corps physique. En mangeant mieux, c'est ma conscience que je fais évoluer, pas le corps physique. Il y a des personnes, à un moment donné, qui décident de leur mauvais régime, d'avoir un meilleur régime, puis ils commencent à être malades. C'est ça. Parce que l'astral te préservait de cochonneries pendant que tu les nourrissais en mangeant des imbécilités. Karma blanc, tu l'auras plus tard ton karma noir. Là, tu décides, hey, là, fini les cochonneries, je commence à finir en santé. Paf, tu commences à être malade. Là, oui, certainement, on te fait payer noir tout de suite. Quand c'est par la conscientisation, c'est immédiatement noir. Quand c'est spirituellement, c'est souvent blanc tout de suite. On paye plus tard. Mieux vaut avoir la résultante noire immédiatement, puis là, on se conscientise là-dedans, puis on finit par se dissocier des phénomènes karmiques. Mais on ne doit pas, par exemple, faire une philosophie spirituelle de l'alimentation, je le dis souvent. Quand ça devient intelligent, on mange telle affaire, on ne mange plus. Et le corps va nécessairement, progressivement, bénéficier. Mais si on s'occupe de notre conscience, de nous, le corps, même votre automobile va cesser de prendre de l'huile, elle va prendre de moins en moins d'essence. C'est comme comique, ça même maudite affaire. La conscience n'a pas plus de lien avec votre corps physique qu'elle n'a avec l'automobile. Parce qu'on pense qu'on est dedans. Tu sais. Bon, mais oui, mais quand tu te baignes, il n'y a pas grande différence entre l'eau autour de toi et l'eau qui te constitue, à part atomiquement. Et puis nous autres, on en fait une forme. La conscience, elle est à l'extérieur de cela. L'être humain, au niveau karmique, comme par exemple la personne ici qui a un corps physique malade, est-ce que le corps physique est malade uniquement pour l'occuper? Bon, avez-vous des problèmes financiers uniquement pour vous occuper? Bon, êtes-vous en amour uniquement pour vous occuper? Est-ce que ça va bien uniquement pour vous occuper? Pendant ce temps-là, votre conscience, ça ne sert à rien. Bon, c'est pourquoi que l'humain doit travailler sur sa conscience. Le reste, ça va se placer. Pas mis, ça ne se place pas tout de suite. Ah ah! Tu travailles pour que ça se place, hein? Non, ça ne se placera pas tout de suite. T'as encore trop d'ego. Et ça, c'est pas important, ça. Ton corps et physique est en santé, puis à un moment donné, il commence à être malade, t'es rendu vieux, tu sais. Ben merde, t'as travaillé combien de temps pour rien? Mais moi, je fais de la course, bon, physiquement, ça va bien. Pourquoi? Parce que c'est intelligent. Ouais, mais tu sais, d'un coup, t'es un athlète, là, puis un choc qui te frappe dans le handicapé le restant de tes jours. Ben, t'aurais été athlète pour rien. C'est vrai. Mais je suis pas athlète pour être athlète. C'est intelligent, présentement, de l'entretenir. Je l'entretiens. C'est plaisant, présentement, d'être dedans. Je l'entretiens. Mais ça n'a rien à voir avec les ci puis les ça. Quand tu parlais tantôt de quelqu'un qui arrête de manger des cochonneries puis commence à bien manger puis il tombe malade, il y a bien des personnes qui s'en vont mourir en Floride, qui sont des personnes très occupées, très stressées, très, tout ce que tu voudras. Ils partent trois semaines, un mois en vacances, paf, ils meurent pendant qu'ils sont en vacances. C'est parce que justement, là, ils s'alimentent mieux, ils se reposent mieux, puis c'est là qu'ils meurent. Oui, puis là, ce qui les manipule ne veut pas de ça. On veut des gens stressés, ça nourrit un égrégore particulier. Il y en a d'autres qui font rien pendant ce temps-là. On veut. C'est ça que je dis qu'il faut bien comprendre le principe, c'est que le libre-arbitre, c'est une vraie farce. Puis en plus, l'humain se fait ramasser. Et je le dis souvent, bon, au niveau du séminaire, il y a des personnes à un moment donné qui me disent « Ouais, mais là, ça me tentait d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire du café, d'arrêter de manger ceci, de plus prendre de sucre, de plus ci, de plus ça, puis de plus ça. » Là, il faut que je leur dise, non, fais une chose à la fois. Tu sais, frustre pas trop celui qui se astralement, l'énergie qui se nourrissait de ton malheur. Laisse-lui le temps de se détacher et d'aller tenter un autre. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Provoque pas les événements. C'est ça. Attends. Sinon, ce qui arrive, c'est que ton corps est malade, mais tu es préservé par leur énergie. Si tu les embêtes, ils te lâchent. Ton corps est malade, puis ils te préservent plus. Mais là, tu te ramasses très bas malade. Là, tu es malade. Tu as des gros problèmes. Alors que si tu vas progressivement, ben, tu es capable de régénérer petite partie par petite partie. C'est bien moins compliqué. C'est, oui, mais pendant ce temps-là, je continue à me détruire. Vous n'en savez rien. Égoïquement, je tente de toujours bien paraître. C'est l'énergie qui tente de prêcher d'avoir cette belle apparence. Ceci est de l'énergie mal placée. Quelle façon serait la plus facile pour me désassujettir de ce cercle vicieux? Bon, nécessairement, bien paraître, c'est d'être assujetti au phénomène collectif. Bon, la personne est le mental suffisamment développé pour être capable de discerner entre ce qui se passe et ce qu'elle aimerait ou ce qu'elle verrait qui soit intelligent. C'est sûr que passer énormément d'énergie à s'arranger pour bien paraître, c'est un problème. Pour deux raisons. Premièrement, vous adoptez toujours une onde de forme qui n'est pas la vôtre. L'onde de forme, c'est tout ce qui attire les mécaniques réincarnationnelles. Ça se réincarne 24 heures sur 24. Donc, c'est ce qui attire, ce qui nous constitue. En plus, donc, ça n'attire pas ce qui, chez vous, permettrait à l'intelligence de venir coordonner la gestion des personnalités réincarnatives. Mais en plus, ça permet aux autres de toujours être, de s'immiscer dans notre plan de vie. Par exemple, si vous mettez, messieurs, la cravate qui me plaît, bien, vous me permettez donc de m'immiscer dans votre plan de vie. Ce qui fait que, nécessairement, vous allez supporter une partie de mon karma. Et etc., etc. On ne doit jamais s'habiller pour plaire à quelqu'un d'autre. Alors, on doit s'habiller pour se plaire. En réalité, on doit s'habiller pour se reconnaître, pour être à l'aise dans tel ou tel vêtement. Et de temps en temps, on devra s'ajuster quand on sort à l'extérieur, ça va, puis c'est des petits karmas, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que d'avoir un autre karma où tu perds ton emploi ou carrément on ne te permet pas de rentrer. Mais on devrait toujours se vêtir en fonction de ce qui nous plaît, nous. Pas de ce qui plaît au vendeur, pas de « ah, ça vous fait bien », ça j'en ai rien à foutre. Regardez-vous dans le miroir, puis vous vous dites « ouais, mais prenez le pas ». Oui, mais j'aurai jamais de linge. Vous allez finir par en trouver. Mais en attendant, prenez le pas. Puis là, tout le monde me dit que c'est beau. On n'en a rien à faire. Dans leur plan de vie, dans leur vision, c'est beau. Si eux seraient comme vous, c'est ça qu'ils mettraient. Mais vous, vous êtes vous-même. Bon, alors, prêtez-leur pas leur corps pour qu'ils soient heureux de se voir habillés comme ils aimeraient habiller s'ils seraient comme vous. Parce que vous n'aimez pas ça. Alors, on doit nécessairement ne pas... La personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle le sait, elle doit intelligencer, donc ne doit pas trop lutter, il ne faut pas qu'elle se crée un problème avec ça. Elle doit intelligencer, chaque fois qu'elle prend du temps pour bien paraître, elle doit se dire « maudit que c'est niaiseux ». Et faites bien attention, ne jamais vous dire « maudit que je suis niaiseux ». Parce que si vous êtes capable de le savoir, c'est que vous n'êtes pas niaiseux. Et ça confirme ce que je dis, c'est que vous êtes manipulé. Alors, maudit que c'est niaiseux. Et progressivement, ben, on rajoute de l'énergie dans ce qu'il faudra pour que maudit que c'est niaiseux, puis aujourd'hui, je ne le fais pas. Puis vous allez voir, vous n'en souffrirez pas. Puis demain, vous allez encore le faire, ben oui, puis maudit que c'est niaiseux. Intelligencez votre chemin, laissez faire le reste, progressivement, les choses vont s'arranger. Puis là, la personne a dit, oui, mais il faudrait que je découvre ma personnalité. Votre personnalité, c'est tout ce que vous avez été, c'est ce que vous n'êtes plus. Parce que vous êtes un être humain instantané, vivant. Votre personnalité, c'est tout ce que vous avez été à partir de maintenant, aller jusque dans le passé. Alors, la personnalité n'en a pas besoin. Ça vous va, mettez-le. Ça vous va pas, mettez-le plus. C'est simple. J'ai visité l'oratoire Saint-Joseph et j'ai remarqué que parmi les 12 statues qui représentent les 12 apôtres, une seule a deux têtes. Pourquoi? Premièrement, il y a plusieurs choses. C'est pas Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça a peut-être du c'est baptiste. Peut-être la tête du baptiste, c'est ça. Il y en a un qui porte le karma. Il y en a un qui ne savait vraiment pas où donner de la tête à l'époque, c'était Saint-Sepulchre Pierre. Un visage à deux faces. Si je ne répondrai pas à la question, je vais vous suggérer de retourner à l'oratoire. Et... juste de la revisiter avec les informations que je vais vous donner. Dans tout système religieux, il y a le bien et il y a le mal. Retournez à l'oratoire et observez convenablement avec une autre vision, une vision plus ésotérique, une vision plus initiée. Dans l'oratoire, il y a le cœur du frère André. Les peuples humains qui ouvrent la cage thoracique des individus pour prendre leur cœur, pour l'adorer, sont des peuples de quel ordre évolutif? Bon. Quand on regarde les films d'horreur avec Frankenstein ou des diaboliques, ils ont des crânes, puis ils ont des cœurs, puis ils ont des... etc. Bon. Retournez à l'oratoire, puis observez si c'est la contrepartie noire de l'Église catholique qui est présente là, ou la contrepartie blanche. Faites un tour, allez voir, fouillez. Vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi il y en a qui ont deux têtes. Nathanaël et Pau font partie des 12 apôtres qui sont ces deux personnages et aissent deux femmes. Bon, faire extrêmement attention avec les apôtres. Il y a eu 12 apôtres principaux que des hommes, 63 apôtres secondaires, puis des milliers d'apôtres, des gens qui voulaient être apôtres, puis qui avaient laissé le nom, là, mais... Bon. Ils ont resté sa liste d'attente. Oui. Parmi les apôtres, il faut comprendre une chose dans l'histoire du Nazaréen. Premièrement, il y a les 12 personnages masculins, qui sont des personnages reliés à 12 faisceaux d'énergie différents. Alors, le Nazaréen se promène, il ramasse pas ce qui est de plus haut dans la société à l'époque, il ramasse des gens qui vont le suivre. Mais des gens qui ont suffisamment d'intelligence chez eux, donc un égo suffisamment petit, des gens suffisamment égoïques, mais pas un égoïsé, mais un égoïque, des gens qui, donc, ont un petit égo, capable de reconnaître de la lumière dans le Nazaréen. Ils vont suivre. Certains vont suivre uniquement par l'intellect. Or, ça pourra être celui qui s'occupait de finances, le percepteur d'impôts. Il y a des personnes qui vont suivre uniquement par intellect, par preuve. Pierre va suivre uniquement parce que il est faible, c'est le plus faible des apôtres d'ailleurs. Judas est un grand initié. Lazare est le plus grand des initiés masculins. Et à travers ceux que le Nazaréen va rencontrer, il y a effectivement plusieurs femmes. Il y a Marie-Madeleine. Il y a d'autres Maries. À l'époque, Marie, c'était un nom très commun. Il y a effectivement plusieurs femmes avec lesquelles le Nazaréen va travailler. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'était incompréhensible. La femme n'avait pas d'âme, de toute façon, à l'époque, selon la visualisation du mâle. Et c'était totalement inconcevable que l'intelligence, que Dieu daigne se pointer pour aller rencontrer une femme. Il fallait que Dieu soit vraiment à bout. Alors, Dieu n'a donc pas rencontré de femme officiellement. Le premier évangile apparaît 93 ans après la disparition du Nazaréen. C'est-à-dire qu'on avait mijoté beaucoup de ce qu'on devait ôter et ce qu'on devait rajouter. Et c'est uniquement des hommes qui l'ont bâti. Alors, à un moment donné, probablement qu'on pourra parler du rôle de la femme avec le Nazaréen, ça va frustrer énormément d'archétypes et d'égrégores. Mais parce que le Nazaréen a eux-mêmes eu des enfants, puis il s'est passé plein de choses intéressantes. Ils ont même pu écrire qu'il est allé seul dans le désert. Ben oui, c'est ça que je dis souvent. Hein? Il est allé seul dans le désert, puis ils sont trop raconté ce qu'il a fait. Peut-on libérer des cochonneries simplement en restant sous le dôme de l'oratoire? Donc, plus souvent qu'autrement, on ramasse des cochonneries. Ça dépend bien gros comment vous le faites. Si vous y allez dans un but, il faut faire attention. Parce que il y a plusieurs choses qui fonctionnent uniquement si on les fait intensément. Donc, on ne peut pas jouer le jeu. Quelqu'un qui va à l'oratoire pour se confesser. Quelqu'un qui a beau être supramental ou ce que vous voudrez, qui va à l'oratoire pour se confesser, c'est sa partie astrale, spirituelle qui se pointe là. Elle va seule se confesser à Dieu dans l'oratoire. L'oratoire, c'est un dôme. Le dôme a un avantage, c'est qu'il pacifie les égaux. Bon. Alors, c'est pourquoi la Mecque a un dôme, les églises antiques ont des dômes. Et pourquoi que les maisons sont carrées? Le carré matérialise les égaux, c'est-à-dire qu'il rend l'égo beaucoup plus matérialiste. Les pyramides, ben les pyramides, ça, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que ça pétrifie, ça momifie le corps vital, c'est-à-dire que ça régénère la structure d'un corps vital, d'une matière, vers ce qu'elle était il n'y a pas longtemps, puis après ça, ça la pétrifie là. Donc, si on met une lame de rasoir au sang, au foyer d'une pyramide, elle va lentement redevenir affûtée. Les atomes vont être replacés comme c'était, puis ça reste beau. Vous placez des graines, les graines, après 2000 ans, vous les plantez, ils vont encore pousser. Vous, vous vivez là-dessus, bien, à un moment donné, vous allez devenir pétrifié totalement. Dans le rêve, dans le corps astral, dans le corps vital, etc. Donc, c'est pourri. Mais pourquoi l'astral ou l'intelligence a-t-elle dit aux êtres humains, pour faire des églises convenables, pacifier les peuples, faites des dômes, et faisant le foyer de la messe. Alors, crime, si ça fonctionne, on devrait faire des maisons en dôme. Les Hurons étaient pacifiques, les maisons sont axées au vide. Les Iroquois étaient guerriers, les maisons sont des tipis, c'est pyramidal. Et Il y a plusieurs choses comme ça. L'esquimau, c'est une forme L'esquimau, de... c'est rond. Les esquimaux ne sont pas des peuples guerriers, mais par nécessité, nécessairement. Esquimau, ça veut dire homme, mangeur de viande crue. C'est Inuit qui est le vrai nom, homme debout. Ce ne sont pas des peuples violents. Ce sont des peuples, évidemment, qui, à cause de plusieurs autres contextes, n'ont pas réussi à toucher la... aller chercher de l'énergie, de certaines formes d'énergie pour être capable de fleurir. Mais on descend souvent de ces peuples. Mais ce ne sont pas des peuples violents. Lorsque l'on va dans l'oratoire, si on y va spirituellement, si on y va humblement, c'est-à-dire si on y va pas en se disant que, tu sais, oui, je vais aller leur donner toute la cochonnerie, puis après ça, je vais m'en aller, là. Ça, c'est un ego qui rentre là. Il n'y a rien à faire, je vais même tout ramasser. Parce que ça fonctionne. Tout fonctionne si on est ajusté à ce plan-là. C'est comme jouer de la musique. Tu n'aimes pas les morceaux musicaux avec des dos dedans. Ben oui, mais si c'est toujours des morceaux musicaux qui sont discordants. Mais il y a de très beaux morceaux musicaux qui ont des dos dedans. Alors, il faut jouer les bons morceaux. Alors, si on va à l'oratoire, on doit faire certaines choses en compréhension de certaines mécaniques. Ce serait long à expliquer. Il y a des mécaniques. Les prêtres de l'oratoire, par exemple, sont habillés en blanc à l'intérieur. Souvent, sont habillés en foncé à l'extérieur. Ils ont des vêtements brodés d'or. Ils ont des filins d'or qui touchent aussi l'autel. Et l'autel est totalement en contact avec le sol. Il est terrestrifié, groundé. Il est mis à terre. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans l'oratoire, eh bien, les vêtements les protègent et le reste est en conduction vers le sol. D'ailleurs, tous les anciens prêtres étaient comme ça. Mais les évêques ont ça aussi. Mais de moins en moins, c'est connu, mais dans ce qui est dans les vieilles églises, dans ce qui est conçu à cette époque-là, parce que c'est de la magie blanche et noire qui se fait dans une église, eh bien, c'est les prêtres sont mis au sol pour être préservés. Ah, il y a tout un jeu comme ça. Que fait, quand on va à l'oratoire Saint-Joseph, il faut quand même qu'on sache sur quelle dalle se placer. Il y a des places là-dedans là, que c'est mis à terre, d'autres places ne l'est pas, puis il faut qu'on sache où se placer. Ce qui doit arriver, arrive. Il a été prévu que j'attrape du karma des autres en ne me mêlant pas de mes affaires. Est-ce exact? Absolument. Il a été prévu qu'un jour, vous viendriez passer une soirée ici, vous avez appris d'autres choses. C'est ça aussi. Est-ce que ça va vous servir? Ça dépend. Si ça va vous servir, ça va vous servir. Et ça crée une grande congestion dans l'astral des humains habituellement quand j'en parle. C'est plus un sujet de séminaire parce que là, on a des heures et des heures pour arriver à décongestionner. Mais c'est ça. Si c'est pas le temps, vous ne l'aurez pas. Puis quand on arrive à un certain niveau de conscience, c'est le temps quand on le fait. Alors que juste avant, on ne peut pas le faire tant que c'est pas le temps. On en parle plus, mais c'est donc effectivement vrai, mais ça s'adresse à l'animal humain. Il y a une liberté dans la conscience, mais il n'y a pas de libre arbitre dans le contexte planétaire. Mais on peut manipuler le manipulateur. Qui? L'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est moi? Non. Pourquoi? Ben parce que si tu serais intelligent, je le serais. Donc, tu sais, l'ego joue, l'ego se prend pour, etc. L'ego est coloré, puis il y a de la subtilité. Puis plus on évolue, plus on se conscientise, plus on se fait ramasser par des pièges subtils. Puis plus on les voit, mais plus on les voit, plus on est évolué. Mais souvent, on se fait ramasser par un autre piège. Ouais, mais regarde, je ne sortirai jamais. Il y a un autre piège, là. Tu es encore en train de chioler. Tu perds de l'énergie, tu es en train de t'égoïser. Et finalement, l'humain finit par aller chercher une liberté. Et là, effectivement, quand il le fait, c'est le temps. Mais la personne, elle a totalement raison. Question de point de vue. Dans le film Excalibur, Arthur se bat avec Mordred. Se sont-ils battus réellement et Arthur l'a-t-il tué? C'est une grosse question. Enfin, pour certaines personnes. Ça ne regarde pas tout le monde. Il faut comprendre que Mordred est divisé en deux parties. L'anti-homme de Mordred ou l'anti-femme et la partie infantile, la partie blanche de son ego, la partie évolutive. La partie blanche, la partie évolutive, c'est celle qu'on appellera la Dame du Lac, celle qui va élever Lancelot, qui portera par la suite le nom de Lancelot du Lac. Lui, totalement blanc, chevalier blanc, cheval blanc, part à la recherche d'un roi, Arthur. Il l'a retrouvé, Excalibur fera l'alliance entre les deux. Par contre, la partie anti-homme ou anti-femme, la partie anti-évolutive de Mordred, elle va travailler, elle aura un fils, je ne sais pas avec qui, et elle va travailler la dissolution de la table ronde à un moment donné. Effectivement, Arthur, ce n'est pas... Arthur va se battre avec, mais c'est Merlin qui va la détruire, qui détruit cette partie-là. Oui. Par Arthur la détruit... Par Excalibur. Bon, Arthur l'a détruit en lui faisant un enfant. Qui va devenir un centrage d'une grande, grande partie de ce qu'elle veut faire. Elle le centrera sur l'enfant, qui n'a pas la capacité de supporter ce que Mordred veut faire. En plus, elle, à un moment donné, bon, la sorcière va même arriver à emprisonner Merlin, alors que Merlin, c'est le plus grand rusé des phénomènes énergétiques de l'époque. Il voulait dormir, il était insomniaque, alors elle s'était fait faire dormir. Et par la suite, quand il était le temps qu'elle se réveille, eh bien, il a manipulé l'autre pour que l'autre donne la clé pour qu'elle le réveille. Il n'a jamais été en prison. Mais il y a plusieurs choses comme ça que l'humain ne sait pas. C'est comme le Nazaréen, s'il était si puissant, pourquoi il est mort sur la croix? Il était tellement puissant, justement, qu'il a réussi à manipuler tout le monde pour qu'on l'amène sur la croix. Et il n'y a pas question qu'il s'en sorte. L'ego voulait s'en sortir. Ça éloigne de moi ce calice. L'ego se plaignait. En réalité, c'est Jésus qui se plaignait. Mais le Christ, lui, il se plaignait pas, lui, il l'amenait là. Veux-tu m'expliquer la mécanique de l'observation? La misère à lire ou c'est écrit drôlement? Veux-tu m'expliquer la mécanique de l'observation, parce qu'on sautait ce bout-là, avec l'anégolisation, m'écouter lorsque je parle et le dialogue? Quand on s'observe, qu'est-ce que c'est? C'est que premièrement, l'observation, c'est l'évolution du mental, c'est l'énergification du mental. L'énergification veut dire construire un corps à partir de l'énergie. L'énergisation veut dire stimuler un corps à partir de l'énergie. L'énergisation ne dure jamais, l'énergification dure et finit par engendrer une forme de rayonnement. Le rayonnement engendre la mutation d'autrui par imprégnation. Ça engendre aussi les relations réincarnatives par imprégnation. Donc, c'est beaucoup plus puissant que l'enseignement comme on l'a fait régulièrement dans les systèmes théologiques ou initiatiques. L'observation, c'est la capacité qu'a le mental de découvrir subitement que ce qui se passe chez lui, ce n'est pas lui. Ça a un avantage, c'est que cela permet la dissociation de ce que vous êtes de ce que vous n'êtes pas. Alors, vous êtes en colère, puis vous observez subitement que vous êtes en colère. Vous n'êtes pas en colère, mais la colère s'exprime chez vous. Et progressivement, ça désassujettit l'humain du phénomène de culpabilité. Oui, mais gars, j'ai encore été ceci. On ne l'est plus. Progressivement, ça lui amène la vision réelle qu'il y a une manipulation chez lui. Ce n'est pas lui qui fait ceci, qui fait cela. Donc, progressivement, il se rend compte qu'à 99% de sa vie, il n'a pas été là. Mais par l'observation, il est là. Même si ce qu'il est exprimé est une connerie, une chose inécologique, il est minimum, lui, il est là. Donc, l'humain commence à être vivant. Oui, mais ça ne me sert à rien. On n'en a rien à foutre. L'humain n'est pas vivant pour commencer à contrôler le contexte planétaire. Il commence par être vivant pour être vivant. Il faut qu'il amène de l'instantanéité dans de la mémoire. C'est déjà le début d'une chose. Lorsque par l'observation, on fait rien qu'observer, si en observant en plus on se culpabilise, on est en maudit parce qu'on était en maudit, on est en colère contre nous parce qu'on est en colère contre un autre, on se fait récupérer. Notre observation sert contre nous. Alors on doit observer que ça sert contre nous. On parle de subtilité encore une fois. Progressivement, ce qui va arriver, c'est qu'on va découvrir qu'on est en colère, par exemple. On va l'observer, ou on découvre qu'on est encore en train de manger la cochonnerie qu'on ne voulait pas manger. Observez-le. Tu vois, c'est pas ça que tu voulais manger, ça que tu manges, hein? Il y a une manipulation. Il y a un virus. On est co-locataire dans le même corps physique. On n'est pas les seuls à bord. On doit l'observer. Il y en a un qui évolue dans la spiritualité, dans la mémoire, et ça ne change rien. Il ne s'améliore pas, il apprend. Il recherche les dieux, il attend d'être sauvé. Le dieu, c'est vous. Alors, à un moment donné, bon, on mange quand même, puis on observe, tant mieux. Si on ne se frustre pas, si on ne se culpabilise pas, puis si on se dit, il faudra à un moment donné que j'arrête. Je l'ai déjà dit, la solution, c'est prends ton corps et bouge. Alors, arrête. Tu ne peux pas, observe. Si l'humain ne se frustre pas, l'intelligence, donc vous en réalité, vous allez descendre progressivement dans le corps physique, morceau par morceau, doucement. On se dit toujours, ouais, mais ça va pas assez vite. Oui, mais vous savez qu'un corps physique, ça saute, puis ça vient fou rapidement si on descend trop vite. Alors, ça va suffisamment rapidement, et progressivement, ça va commencer à briser l'ego, le virus. Brisant l'ego, ça va se servir de l'énergie qui constitue l'ego pour créer un double éthérique. Et j'appelle cela l'anégoïsation. Dans l'Antiquité, on parlait d'être humble, mais l'humilité, on peut s'en vanter. La négoïsation, non. Le terme est plus juste. Âne, saint, anémotif sans émotion. L'être humain anémotif devient sentimentique. Il ne vit pas de la mémoire du sentiment, il vit par sentiment immédiatement, par gustation d'énergie. Anégoïque, sans égo. Égoïsation, grossir l'ego, anégoïsation, dissoudre l'ego. On crée un double éthérique qui va nous amener à un moment donné à cette immortalité de conscience que l'humain n'a pas présentement parce qu'il gagne le monde de la mort pour se réincarner. Mais écoutez, lorsque je parle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'observation d'un autre ordre. Lorsque l'humain pense, il peut se faire ramasser comme il faut. Quand vous vous dites, ouais, mais là, le vendeur m'a dit de l'acheter, là, puis là, vous commencez à penser, là, vous êtes en train de faire ramasser, parlez-le. Parlez, pensez à haute voix, puis écoutez ce que vous dites. Mais là, là, il dit que c'est bien bon. Oui, mais c'est pas vrai. Oui. Parlez, puis écoutez. Mentalement, vous allez écouter ce que si vous pensez oralement. Vous allez découvrir. Non, vous ne pourrez plus vous faire charrier. Alors, c'est comme, par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un. Maudite folle, ceci, cela. Écoutez ce que vous dites. Et vous êtes niaiseux. Vous allez vous en rendre compte immédiatement. Vous barrez totalement le processus de la manipulation qui vous amenait à agir en animal humain. Alors, quand je parle, bon, s'écouter lorsque l'on parle, c'est cela. Les dialogues intérieurs, dangereux. Très, très dangereux. Parler avec un autre individu, puis s'écouter parler, ça peut aller. On se synergise. C'est-à-dire que il me donne de l'énergie, je m'en sers, je la nourris, je la grandis, je parle, je lui en donne, il fait la même chose, et on crée une synergisation. C'est très bon. Si on pense à haute voix, on synergise aussi. Mais là, on peut se démolir dans notre synergie. S'il est vrai, hein, que si ceci, ah oui, puis on descend, là. Les deux personnes qui peuvent se suicider, qui parlent du suicide, ils synergisent aussi. Peut-être pas dans le bon coin. Donc, s'écouter lorsque l'on parle, ça a un avantage, c'est que si vous vous écoutez consciemment, vous ne pouvez plus vous faire charrier par l'ego. Autrement dit, c'est votre conscience qui vient écouter. Vous allez peut-être encore faire des conneries, il n'y a pas de libre-arbitre. Mais progressivement, l'intelligence va venir changer ce qui vous manipule. Vous allez être manipulé à faire des choses que vous aurez aimé faire si vous auriez eu du libre-arbitre. Autrement dit, ça ne dérangera pas de ne pas avoir de libre-arbitre, parce que de toute façon, ce que vous auriez aimé faire, c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais l'ego est d'accord. L'ego est manipulé à le faire. C'est comme par exemple, si j'aurais du libre-arbitre, ben, si le feu prendrait, j'aimerais sortir. Mais vu que j'ai pas de libre-arbitre, que c'est moi faire, tu peux te manipuler à sortir. Fait que c'est pas grave, t'as pas de libre-arbitre. L'important, c'est que la manipulation te fasse faire ce que tu aurais fait si tu aurais eu un libre-arbitre. Il y a une mécanique que j'ai trouvée qui est assez efficace pour bloquer les manipulations émotives, c'est d'utiliser, d'enlever les mots comme les tu, je, vous. Quand tu t'ostines avec quelqu'un, par exemple, au lieu de dire « tu m'écœures quand tu fais ça », si tu dis « Marie, ça m'écœure quand tu fais ça », là, c'est déjà plus la même saveur. Ça peut pas être la même saveur parce que... Tu peux plus le dire. Si tu nommes l'individu, tu as bien de la misère à t'engueuler avec quelqu'un quand tu donnes son prénom. Il y a une autre chose qui est très intéressante que tu peux rajouter. Ça va être « Marie, ça écœure mon ego ». Et là, une personne, à un moment donné, me disait, séminariste, me disait, « Oui, mais si on dit ça, on finit par le mettre dans toutes les sauces, tu sais, finalement. Ah, c'est mon ego qui te dit ça. » Mais, je sais. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Alors, mettez-le à toutes les sauces, c'est vrai en maudit. Parce que, finalement, ça ne nous écœure pas. Mais on est écœuré en dedans. Puis quand tu parles de quelqu'un aussi, parler contre quelqu'un, si tu dis, oh, il fait ça comme ça, ou elle fait ça comme ça, ou elle fait ça comme ça. Mais son prénom. Tu t'enlèves ça, puis tu dis, François... Oups, c'est déjà parce qu'en mettant le mot François, tu prends la globalité de son être. Pas uniquement la corde de son ego que tu détestes. C'est déjà différent. Tu sais, il m'a écœuré. Le Charles Villeneuve m'a, celui qui m'a sauvé la vie avant, le Charles Villeneuve, c'est bien différent. Et en plus, on doit toujours faire attention parce que je ne peux t'écœurer. Je ne peux pas écœurer votre intelligence. Vous, en tant qu'être humain intelligent, c'est pas vous qui chiolez quand il pleut. Voyons donc, c'est pas vous qui dites hey, « à cause du mauvais temps », c'est pas vous autres, ça. Votre ego, oui. C'est pas ça, mon ego se plaint, c'est vrai. Puis là, en parlant, tu te plaignais, hein? Ton ego parlait que tu te plaignais. Hein? Tu l'as observé, parfait. La personne, elle s'énergifie, puis elle grimpe. Ça réglera pas tout du jour au lendemain. Puis retenez une chose, c'est que sur la conscience que l'humain doit travailler. S'il travaille sur le seul bon point, le bon vecteur dans l'évolution, le reste va s'arranger. Pas tout de suite. On en a besoin. Parce que c'est pas long que je deviens intelligent, je gagne la loterie. Ah ben maudit, hey, ça marche! J'ai juste de l'ego. Mon ego est en train de renaître, donc c'est mieux que je gagne pas tout de suite. Parce que la journée qu'on a réchauffé, on est correct, mais il faut pas grand-chose pour nous ramasser. C'est pour ça que ça prend un laps de temps. Mais c'est évident qu'un être humain conscientisé et intelligent, centré dans son énergie, a le temps et l'argent qu'il a besoin. Et la santé, et tout. Mais quand il est rendu, il l'a. Est-ce que je me trouve à supporter le karma de quelqu'un d'autre si dans une situation d'urgence, spontanément, j'interviens et j'apporte mon aide parce que je trouve justement intelligent qu'on intervienne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour remédier à une situation d'urgence, même si on ne réclame pas mon aide? Je donne des exemples, uniquement des exemples. Je ne le connais pas, il est en problème, je viens l'aider, et par la suite, il me dit, ah, merci, une chance, t'es venu. Qu'est-ce que je lui dis? Va donc. Oui, va donc chier. Puis je m'en vais. Alors là, je n'ai aucun karma. OK. Lui, il va travailler, là. Et je l'appelle. Bon, c'est un exemple que je donne. C'est que l'humain doit briser. N'en parler à personne. Ça sert à rien. Quand tu en parles, c'est parce que tu n'es pas capable de supporter l'énergie qui t'est amenée par le mouvement que tu as fait? Oui. Alors, ça devient émotif, ça devient mémoriel, ça devient animal humain, ça devient archangélique, ça devient karmique. Mais ne vous le rappelez pas pour vous. Ne vous en parlez pas à vous non plus. Ça n'a jamais existé, l'événement. On s'en balance de l'événement. On passe, on continue, on vit d'autres choses à faire dans la vie que de commencer à me rappeler la fois que j'ai sauvé la vie. Tu sais? Alors, il n'y a pas de problème pour intervenir. L'idée, c'est toujours la façon. Qui intervient? L'homme, la femme ou l'animal? Qui intervient? Celui qui veut toujours avoir son honneur après? Qui intervient? Comme j'explique, à un moment donné, un être humain centré sur lui-même, ce qu'il va faire, c'est par exemple... Je donne souvent l'exemple au niveau des enfants Teflon. On aurait un enfant Teflon qui déteste son professeur de français, un Teflon chevalier, parce qu'il y a trois sortes de Teflon, le doux, le chevalier et le dur. Et le professeur, en sortant de l'école, il se fait agresser par trois ou quatre jeunes. Bien, le Teflon chevalier qui déteste le professeur de français va aller défendre le prof. Parce que c'est inécologique ce qui se passe, c'est pas intelligent. Puis après, il va l'avoir défendu, il va continuer à détester son prof, ça n'a rien changé. Quand je parle de détester, pas nécessairement émotivement, mais il n'aura pas changé son point de vue parce qu'il va l'avoir aidé. On n'aura rien réglé. Je t'ai aidé, c'est correct. Mais t'as toujours tort. On ne changera pas grand-chose. Il n'y a pas de karma avec le prof. Et ça, c'est correct. Mais c'est des exemples que je donnais. C'est comme je dis, à un moment donné, un homme nouveau, une femme nouvelle qui se fait agresser, par exemple, par un bonhomme ou une femme qui veut absolument le tuer l'autre, tuer l'homme nouveau ou la femme nouvelle, et l'être nouveau va se défendre. Au pire, il va même tuer l'autre. Puis il va l'aimer quand même. Puis il va s'en aller après. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas besoin de détester. Alors que l'humain normal, l'animal, doit détester pour être capable de tuer. Dans un certain livre d'histoire, c'est marqué que quand on te frappe la joue droite, tu t'en joues gauche ou l'inverse. Là. Mais c'est la joue de l'autre! C'est ça, mais ça, c'est quoi cette histoire-là, karmiquement? Est-ce que c'est pas justement de se relier? Non, il faut comprendre toujours les contextes. L'humain ne peut pas s'en sortir s'il n'adapte pas les contextes. On a un contexte du œil pour œil, dent pour dent. Comment veux-tu, à un moment donné, l'humain, là, il part de là, puis il s'en va là avant de se ramasser là. Donc, si on veut amener l'humain ici, il ne peut pas aller là, l'humain. Alors, c'est du œil pour œil, dent pour dent. Écoute bien, là, c'est plus du œil pour œil, dent pour dent. On te donne un coup, ben mange un autre. Puis, à un moment donné, tu pourras t'ajuster. C'est comme je le dis, moi, je viens pour rentrer dans un restaurant, quelqu'un me pousse pour rentrer avant moi. Je le laisse rentrer. Puis, il n'y a rien qui se passe. Je n'ai rien à foutre. Je viens pour rentrer, un autre me pousse. Rien passé. Je viens pour rentrer, un autre me pousse. Ben, je me tords, je le pousse, puis je rentre. Mais c'est toujours rien passé, mais c'est moi qui est rentré là. Mais c'est rien passé chez moi. Je déteste pas l'autre, je maudis pas l'astral, je me dis pas que l'astral frappe dur, je n'ai rien à foutre, je m'en vais au restaurant. C'est tout. J'ai pas besoin d'haïr, de trouver que ça en est assez, d'arriver à une limite, de chialer, parce que finalement, le gars, qui le troisième qui me pousse, faut qu'il paye pour les deux autres en plus, parce que je vais taper dedans bien plus, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Alors que c'est peut-être celui qui m'aura poussé le plus poliment. Mais on n'en a rien à faire. L'idée, simplement, c'est que passe, accomplis. Mais attache-toi pas aux événements. Donc, il n'y a pas besoin de te ramasser justement avec la colère, la haine. Attachez, aidez sans être pris. Bon, puis défendez-vous sans être pris. Le maringouin que vous tuez, là, hey, vous êtes un criminel, vous tuez de la vie. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Les prochaines conférences, vendredi prochain, la réincarnation, la résurrection, c'est ce que je veux dire. Ça doit être la réincarnation qui m'habite. C'est le 15 juin, vendredi prochain. Et le dimanche, le 10, je sens bien, ça? Oui. Conférence privée pour les séminaristes, ici même, à 13h30. Mon prochain séminaire, c'est la fin de semaine prochaine, dans deux fins de semaine. Je suis intéressé. Je suis intéressé. Les autres, je ne suis pas intéressé. Bonne semaine.